suis venu sur la mer. On m'a filmé ton adresse, je suis tombé sur ta mère. Oh mais je vous en prie, mais décrit. Elle a tout fait pour me plaire, par devant et par derrière. Je suis un extraterrestre, par devant et par derrière. Elle a tout fait pour me plaire. Je suis un extraterrestre. J'ai attendu au rayon de la Gouëlle, merci.